Bizitza, bizitza da, taz bere maitzak. Je suis Aitziber Zapirain, j'habite à Hendaye, j'ai 25 ans et j'ai toujours habité à Hendaye. Mes parents, par contre, sont du côté espagnol, disons. Ils sont aussi basques, comme moi. Et mon père est venu ici à Hendaye avec 19 ans pour des raisons politiques. Donc, depuis, il habite à Hendaye et il a créé sa propre famille à Hendaye. Urrezkoak edo urritxurakoak. Ez hori bakarrik bizitza. Que suppose la frontière pour vous? En tant que basque et indépendantiste, j'essaie toujours d'éliminer cette frontière. Par contre, c'est vrai qu'il y a des obstacles au quotidien. Donc la frontière suppose toujours des contrôles policiers dans le pont Saint-Jacques entre Hendaye et Irun, suppose aussi également des barrières administratives pour faire des études en tant que basque de l'autre côté du bassin de la Bidasoa, suppose aussi des difficultés pour faire n'importe quel achat. Moi, personnellement, j'ai deux cartes de nationalité ou deux cartes d'identité, un français et un espagnol. À l'époque, ils obligeaient à le choisir, mais pas encore. Donc, on parle toujours de la construction européenne. Personnellement, j'ai des doutes si ça suppose un progrès ou tout à fait le contraire. Je ne sais pas trop encore. Parce qu'il y a toujours des obstacles, des demandes, surtout du côté administratif. Donc la frontière, disons, même si on lutte toujours pour l'effacer, je crois qu'elle est là et qu'il faudrait faire quelque chose. Y a-t-il des avantages liés à vivre dans une zone frontalière? Donc des avantages, je dirais que pour l'organisation de plusieurs activités, plutôt pour les institutions, c'est un endroit assez attractif parce qu'il y a un public assez, disons, pluriel au niveau culturel. Mais Hendaye, c'est vraiment un lieu de passage et pas un lieu de vie. Elle devient de plus en plus une ville dortoir et ça, c'est un aspect négatif plutôt que positif. Y a-t-il des différences culturelles ou sociales d'un côté et de l'autre de la frontière? Je dirais qu'il y a une forte culture basque. Par contre, il y a aussi une forte influence de la culture espagnole et de la culture française. Et malheureusement, les administrations ou les institutions considèrent ou développent la culture basque en tant que bien folklorique et non pas dans un contexte normalisé. Donc il y a une forte influence des cultures étrangères, mais je suppose qu'il faut les garder, que chacun doit garder sa culture et sans mettre des obstacles pour le développement des cultures qui sont minorisés. Quels sont les points en commun d'un côté et de l'autre de la frontière? Ben justement, les deux côtés du bassin ou de la Bidasoa ont en commun la langue basque, la culture basque, l'envie de créer un pays basque, peut-être. Pouvez-vous citer des projets ou des associations qui travaillent dans une perspective transfrontalière? Il y a bien sûr des projets transfrontaliers. Il y a plusieurs associations qui travaillent en commun. On peut parler des associations de danse basque, des associations culturelles, des projets de communication, des radios associatives. Il y a aussi une communauté de communes entre les trois villes de Dendai, d'Iron et de Fontarabie qui travaillent en commun et qui développent des projets entre les trois villages. Par contre, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça puisqu'ils le font d'un point de vue folklorique et touristique. Mais bon, c'est quand même des projets transfrontaliers, donc je pense qu'il faut les mentionner. Mais qui a aussi un travail pour faire, pour provoquer des changements dans ces domaines-là. Pouvez-vous citer un événement, un lieu ou un jour particulièrement transfrontalier? Je citerai la course Corrica organisée par AEK une année sur deux. Également la course Chingu di Corrica organisée par les associations locales d'Irun et d'Hendaye. On peut également citer Bidasoa Folk, et festival musical, plusieurs rendez-vous sportifs, culturels. Il y a vraiment, on pourrait faire une large liste. Kentzen du dena Itxaropena, espoir, esperanza. Ez hiri edo nazio urrunetara egindako bidaia alaiak edo urrun hoietan ikusi Andre eta gizon bitxiak Ondo edo gaizki fotografiatuak Ez oi bakarrik bizitza Bizitza Bizitza da, bizitza da, handiena, kentzen duenak, kentzen duenak.